toi, espoir et joie. Et enchaîne-toi au rythme de ma voix. Sens la chaleur qui monte en toi. Happy birthday to you. Happy birthday to you.